إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد On voulait continuer sur les bienfaits de la sunna avant de commencer la bid'a. Mais la qaddar Allah ma sha fa'al, le livre est resté donc dans une voiture. Donc on va commencer directement par la bid'a. Et sûrement après inchallah, ça ira après 16 heures, on reprendra inchallah sur la sunna. Donc la bid'a, l'uratan. Donc la bid'a, l'uratan, elle a donc deux sens. Elle a deux sens dans la langue arabe, la bid'a. L'innovation dans la langue arabe a deux sens. C'est al-shay' al-muhtara', à la réélimité sabiq. Donc quelque chose de nouveau ou quelque chose d'inventé, alors qu'il n'avait pas d'exemple auparavant. Quelque chose de nouveau. Et Allah Azza wa Jalla dit قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ. Allah dit à son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, dit donc je n'étais pas un nouvel envoyé. Dans le sens où je ne suis pas un envoyé qui n'a pas été précédé. مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ. Je n'ai pas été un envoyé qui n'a pas été précédé. C'est-à-dire qu'avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des envoyés avant. Donc je n'étais pas le premier envoyé. Et aussi, lorsque al-bid'a, donc c'est aussi al-ibda, donc en vérité, donc al-ishlaf, le fait donc aussi donc de créer. Hein. Ça c'est pour Allah Azza wa Jalla, le fait de créer alors que rien n'existait auparavant. Allah Azza l'a créé alors que rien n'existait avant qu'il crée. L'homme crée. Est-ce que l'homme crée? C'est une question. L'homme crée ou l'homme ne crée pas? L'homme crée. L'homme crée. Mais avec des éléments existants. Allah dit bien, elle est la mulak, mais cela qu'il bilet. Lorsqu'il parle bien de cette communauté, hein, cette ville, qui dont. Personne n'a créé de la même chose auparavant. Personne n'a créé la même ville. Allah a dit, Allah c'est la mukhlaq mithla fil bilad. Allah dit bien aussi à ceux qui dessinent. Donc, faites ressusciter ce que vous avez créé. Et Allah parle aussi avec la bouche de Isa, à Isa Tussalam, qu'il a comme quoi il a créé. Donc le fait que le mot créé, on peut l'utiliser. Celui qui fabrique une chaise, il a pris du bois, hein, du bois, puis il a fabriqué une chaise, il a créé cette chaise. Mais simplement, c'est pas le fait de créer à partir de rien. Vous voyez, les mots se ressemblent, c'est pas un problème. Mais simplement, on sait que c'est comme lorsque l'homme dit j'ai créé, on sait que c'est pas à partir de rien. Non. Donc c'est permis. Donc Allah Azza wa Jalla dit, Badir Osama wa Tiwal Art. Badir, c'est le fait en réalité donc de créer de la meilleure façon, de façonner à partir de rien. Donc ça c'est bien sûr donc pour donc, le mot bid'a, c'est-à-dire dans la langue arabe. Dans la langue arabe. Et dans le lexique juridique, fichar, dans la jurisprudence, dans la législation, donc on retrouve plusieurs paroles. Le bid'a muqabala sunna par exemple. Le bid'a c'est tout ce qui est contraire à la sunna. Par exemple, tout ce qui n'est pas sunna. Ou bien bid'a, chez certains, c'est « kulluma hadithah في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان محمودا أو مذموما. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait de nouveau, donc, بعد عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc après l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم. بعد عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء كانت مذموما أو محمودا. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ou qu'elle soit mauvaise ou bonne. Donc ça c'est chez certains. Mais la meilleure parole c'est celle que l'on retrouve chez l'imam Shatibi. L'imam Shatibi dit Al-Bid'atu Ibaratun An-Tariqatin Fid-Din Mukhtala'a. Donc Ibaratun An-Tariqatin Fid-Din Mukhtala'a. C'est-à-dire que donc, c'est l'expression donc, d'une voie dans la religion qui était nouvelle. Donc le fait on a essayé de faire quelque chose dans la religion, que cette chose-là est nouvelle. تضاهي شرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. Donc la personne considère que cela est légiféré alors que c'est nouveau. Là ou bien l'entre et la considère légiférée dans le sens où il pense qu'il va adorer Allah Azza wa Jal. Donc il a comme but, il a comme intention ici en œuvrant donc de cet acteur l'exagération dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc il va exagérer, il va faire l'oubalara, c'est-à-dire qu'il va en réalité, donc il va adorer fortement Allah Azza wa Jal avec cela. Maintenant on va voir donc Anwa' al-Bid'a, Anwa' al-Bid'a, les types de Bid'a. Ou les genres de bid'a. Il y a celle qui est al-haqiqiyya, donc qui est réelle. Al-haqiqiyya, réelle. Lorsqu'on dit bid'a al-haqiqiyya, ça veut dire hiya allati lam tadullu 'alayha dalil shar'i. C'est une œuvre dont on n'a aucune preuve juridique dessus. Il n'y a aucune preuve de l'islam ou du Coran de la Sunna vis-à-vis de cette œuvre-là. C'est quelque chose donc, qui est totalement donc, nouveau. Ce n'est pas par exemple un rajout dans la prière. Ce n'est pas un rajout ou ce n'est pas le fait de jeûner par exemple à un certain moment. Donc c'est vraiment l'acte en lui-même, et ça vient, donc la façon, tout est nouveau. Et l'acte, et la façon, et l'ordre, et le lieu par exemple, et le comment. Tout cela. Donc là, il n'y a pas de l'échelle. La minute kitab, la minute sunna, la minute ijma. Voilà istidlal mu'tabar inda ahli al-ilm. Voilà fil jumla, voilà fil mufassal, ou fil tafsir. Donc on ne retrouve cette preuve ni dans le livre, ni dans la sunna, ni dans le consensus, ni dans un istidlal, ça veut dire une preuve qui est ressortie après les compréhensions des gens de science. Et ni de façon générale, et ni de façon spécifique. C'est pour ça qu'elle a été donc appelée bid'a. Elle a été appelée bid'a justement. Car elle n'a aucun exemple auparavant. Donc elle survient d'elle-même. Elle survient donc, elle surgit à une époque de l'islam, alors que le prophète Mohammed Sassam ne l'a pas faite. C'est ni dans le livre d'Allah, c'est ni dans la Sunna, ni dans le consensus des savants, ni dans ce qu'ils ont compris. Là c'est donc par rapport à Al-Bid'a Al-Hafiqiyya. Et aussi, il y a aussi Al-Bid'a, Al-Idafiyya. Al-Idafiyya. Et on le retrouve donc, on va le retrouver donc avec deux types d'erreurs. Donc dans cet Al-Bid'a qui est Idafiyya, Idafiyya c'est-à-dire qui a été rajouté. C'est un ajout. Il y a un rajout à partir d'un acte connu. Il y a un ajout à partir d'un acte qui est légiféré. Donc, ou bien, ce rajout-là va immédiat min al-adila al-muta'alliqa. Yani, fala takun min tilka al-jihad bid'a. Donc, ou bien, laysa laha muta'alliq, illa mithlu ma lil-bid'a al-haqiqiyya. Ou cette bid'a idafiyya, ou elle a donc quelque chose, ou un élément à partir de laquelle elle peut s'accrocher. Hein? Donc les gens pensent que ça se fait, elles ont un élément à partir de laquelle elles peuvent s'accrocher, ou elles n'ont pas donc d'éléments à partir de laquelle elles peuvent se baser, s'accrocher ou se baser. Donc c'est ou bien les salaha muta'allaq illa mithlu ma lil bid'a al haqiqiyya. Donc falamma kana al amal alladhi lahu shaybatan lam yatakhallas al ahad al tariqiyya wa wada'na lahu hadhihi al tasmiya hiya al bid'a al idafiyya. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Donc ils l'ont appelé al bid'a al idafiyya du fait que ou alors donc quelque chose qui l'accroche ou pas, de la même façon que de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui l'accroche, dans le sens où, maintenant, à partir d'un exemple, si la personne se frotte le visage après chaque prière, donc il va faire doigt, il va lever ses mains, il va faire doigt, après chaque prière obligatoire, et il va frotter ses mains, ou bien il va serrer la main, ou bien il va frotter ses mains. Il va se frotter le visage, c'est-à-dire. Se frotter le visage, ou le fait de se frotter le corps, on a une preuve d'origine. C'est permis de le faire. Quand est-ce? Donc, lorsqu'on se couche, ça, le fait de souffler sur ses mains et de réciter donc les sourates que vous connaissez, les dernières sourates, trois fois. Donc il y a un as. Et à partir de là, les gens ont, certains donc ont fait en vérité donc une muharana. Ils ont pris de cela, le raisonnement par analogie, donc ils sont arrivés à dire qu'ils peuvent faire cela. Et le bid'a, par exemple, la deuxième bid'a, hein, celle qui, en vérité, elle va avoir, donc elle n'a pas en vérité, donc elle n'a pas en vérité muta'allaq, dans le sens, par exemple, ou toujours par rapport à la prière, les gens vont serrer la main aux autres. Et ils disent Allah taqabbal, par exemple. Alors qu'on n'a pas vu d'origine par rapport au fait de serrer la main. On sait qu'on peut serrer la main sans de façon normale, mais eux, ils le mettent où? Ils le mettent ici, dans une adoration. On serre la main de façon moubah, de façon légiférée. Si maintenant tu as la niya de serrer la main à ton frère, tu auras donc la récompense. Mais si tu... Donc ça devient sunnah lorsque tu le fais hein, de façon légiférée. Et aussi, si... ici, alors d'ici, tu vois, il y a un muta'allaq, il y a quelque chose d'origine. C'est pour ça que l'appelé d'orfir. Mais pas dans cette adoration-là. Pas dans l'adoration. Le fait de venir serrer la main après la prière. Les gens serrent la main au premier ou au deuxième, ou bien au premier ou au deuxième. Ça ne se fait pas. Ça, c'est pas une sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'a jamais existé. Donc, le bid'a al-dafiyya, donc, c'est bien sûr de ces deux façons-là. C'est de ces deux façons-là. Et bien sûr, le bid'a al-haqiqiyya, elle est plus grave que le bid'a al-dafiyya. Hein, vis-à-vis des péchés. Le fait de faire quelque chose qui n'existait pas à l'origine. Quelqu'un croit que, parce qu'on peut se protéger le visage, donc là, il sait qu'on peut faire ça la nuit, ça l'air avant de dormir. Alors le fait dans d'autres moments, il aura quand même le péché, mais son péché est moins grave parce qu'il part d'une origine que celui qui part d'aucune origine. Il y a une différence. Il y a une différence en vérité par rapport au péché que la personne en vérité va prendre. Parce que pourquoi? Parce que elle n'a aucune ancêtre, elle n'a aucun intermédiaire, aucun acte qui est venu en vérité l'amener à cela. Et là c'est une mukhalafa mahabba. Donc c'est une mukhalafa qui en vérité mahabba, dans le sens où c'est donc une contradiction ou bien le fait donc, de ne pas faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon totale, de façon brute, de façon absolue. Et c'est clair que la personne ici, elle sort totalement de la sunna. Il y a un khuruj vahir min sunna. La personne est totalement sortie de la sunna. Contrairement à l'idafir. La personne elle, a eu une sunna, elle s'est trompée par rapport à cela, et elle s'est retrouvée dans cette bida. Donc, par exemple, on va donner un exemple aussi, toujours par rapport à la bida al-haqiqiyya. Donc, elle parle bil qadr, si on parle du tawhid. Le fait de dire que l'amru unuf, donc que la personne a quoi que des gens, طلب العلم, c'était des étudiants en religion, ils étaient pas طلب العلم, donc c'était des gens, c'était طلب العلم, ils avaient un seul problème, ils apprenaient قال الله رسول en Irak, et ils avaient un problème le fait de dire que Allah Azza wa Jalla ne connaît pas le destin, ne connaît pas l'avenir, que lorsque ne connaît pas la chose que lorsque celle arrive. Allah ne connaît pas l'avenir. Il connaît tout, mais tout au moment, mais pas après. Elle a au nous. Donc la chose est nouvelle. Lorsque ils sont venus voir Abdallah ibn Omar, radiallahu anhu, wa an abihi, donc Abdallah ibn Omar leur a dit, donc dites-leur que je suis innocent d'eux, et qu'ils ne sont pas croyants que s'ils croient au destin. Et après il a mentionné donc le hadith de Jibril que vous connaissez, le nom hadith de Jibril, lorsqu'il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Akhbarni Ali l'Islam, Akhbarni Ali l'Iman, ou Akhbarni Ali l'Islam, Ali l'Ihsan, ce hadith. Trois l'Ihm, juste un problème dans la foi d'Allah Azza wa Jal, dans l'Iman bil Ghaib. Mais c'est un grave problème à Kulhaï, c'est pas un petit problème. Et bon, Abdullah ibn Omar dit ne sont pas croyants. Donc il y a koum, moi, muhdathat al-kumur. Donc attention, comme l'a dit le prophète sallam, avec les nouvelles choses. Iyakum, fa inna kulla bid'atin dalala. Car en vérité, chaque innovation est égarement. Ne croyez pas que juste un acte ne peut pas égarer les gens. Un acte peut égarer les gens. La bid'ah, en vérité, ce n'est pas quelque chose dont on prend à la légère. Que ce soit dans le comment, que ce soit dans le loi, c'est la crédit. Après ça, on verra ça par la suite, Inch'Allah. Donc ici, on a vu donc par rapport à la bid'ah donc harfiya, ou bien tahsin ou taqbir. C'est-à-dire que la personne, elle, il y a un tahsin, il pense que ça c'est bien, alors on peut le faire. Mais ma'aradna illa khaira, qui a fait ça? N'est-ce pas les gens qui ont compté les 100 pierres lorsque un homme a fait plusieurs assemblées dans la mosquée, et chacun avec des petits cailloux. Donc lui, il a dit 100 fois Allah Akbar, lui il a dit 100 fois la ilaha illallah avec des pierres. Et lorsque est parti, lorsque Abu Musa al-Ash'ari a vu cela, il est parti voir donc Abdallah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhumah, et ils sont arrivés à la mosquée, et il a vu cela. Et il a dit, Outou Seyyi'atikum, comptez vos Seyyi'at, comptez vos péchés. Eux ils étaient en train de compter. Donc ils sont à la mosquée. Il dit 100 fois Allah Akbar. Il dit 100 fois la ilaha illallah. C'est permis. C'est même bien. On sait très bien les hasanat que ça ramène. Ce sont les meilleures paroles. Les meilleures paroles après le Coran, c'est Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah Akbar. Ce sont les meilleures paroles. À la mosquée. Mais il y a un problème. C'est quoi? C'est le comment. Al-Hayya. Al-Kayfir. Le comment. Ils ont utilisé les pierres. Alors, Abdallah ibn Mas'ud a dit, ou bien, donc vous êtes meilleur que ceux d'avant, les compagnons et les prophètes, c'est certain, ou bien vous êtes à la porte d'un égarement. Ou bien, il y a deux choses, ou vous êtes meilleur, ou bien vous êtes à l'égarement. Et ils ont dit quoi? Ils ont répondu, ma'arana ila khaira. Donc, ils sont à la mosquée. Ils font ce qui est permis de faire. Le fait de dire 100 fois, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah Akbar, donc le zikr. Ils ont la bonne niya en plus. Ma aradna lina khaira, el qazd il est tayyib, ils ont niya qui est sahiha, mais ils ont quoi? Ils ont le comment qui est faux, tout simplement, regardez. Donc, la yafi, el niya tayyib. Il ne faut pas dire qu'il n'y a mal amal bin niya, il ne faut pas comprendre dans le sens, moi, ma niya elle est bonne, c'est bon, je fais ce que je veux. Là, c'est pas vrai. Ni dans la religion, ni dans les péchés, ni dans quoi que ce soit. La niya, il faut qu'elle soit accompagnée de, donc, de quoi? De sunnah. Il faut qu'elle soit accompagnée de suivi. Donc ils ont ici un tahsin. Ils ont ici en vérité un tahsin. Il leur a dit, wa kam min mouridin il khair, la min usibou. Et combien de gens veulent faire du bien, ils n'arrivent pas à ce bien. Ils n'ont pas vu en vérité les récompenses de ce bien. Car ils se sont trompés. Il y a une erreur. Donc, ça c'est par rapport à le bid'ah, le hafiyya. Il y a aussi le tahbir. Donc, il y a aussi le fait de renier, par exemple, el khabar el wahid. Le fait de renier aussi Al-Khabar al-Wahid dans le hadith. Et ils ont dit que plusieurs hadiths qui ont attrait au Tawhid sont du Khabar al-Wahid. D'abord, c'est pas vrai. Premièrement, c'est pas vrai. Al-Khabar al-Wahid, il a accepté. Le Nabi s'en est bien envoyé. Ali ibn Abi Talib, il a bien envoyé au départ. Moussa ibn Umair à Médine. Avant que le Nabi s'en est allé à Médine, dans les débuts, il a envoyé donc le premier da'i de l'islam en sortant de Médine, c'était Moussa ibn Omer. Radiallahu ta'ala anhu à Médine. Il a envoyé au Yémen, il a envoyé moi, hein, Hudayfa, il envoyait plus d'un, donc une personne. Le khabar était wahid. Donc, on voit déjà que c'est pas vrai. En plus, le khabar ahad, il peut très bien, à Kouyahel aussi, se terminer à deux ou à trois personnes aussi. Et aussi, donc, ils rejettent l'ijma, certains d'entre eux. Ils disent que l'ijma, c'est pas possible. Parce que eux, ils veulent dire, lorsqu'il y a ijma chez les ulama, on parle des ulama mu'tabarin. Mu'tabarin dans le sens où, l'ijma, c'est le consensus. Tous les ulama sont d'accord pour dire que maintenant, la prière est obligatoire. Là, c'est clair. Et si quelqu'un veut dire que la prière n'est pas obligatoire, lui n'est pas compté. Ils ne vont pas dire, il y a, maintenant, ou bien je rends l'ulama, ils ne vont pas le compter. Mais avec Bida, ils vont compter ceux qui font partie de la Bida et qui ne sont pas considérés chez les gens de la Sunna, hein, dont leur parole n'est pas considérée, donc ils vont pas parler d'eux. Ils ne sont pas mentionnés dans l'ijma. Et c'est pour ça qu'ils voient Inkar, parmi les points qu'ils voient Inkar à Kulhel et l'ijma. Le fait de dire que le consensus n'existe pas. Et aussi, hein, donc, par rapport à ça, alors que l'ijma, c'est donc des fois, donc l'ijma c'est le consensus. Et des fois il faut avoir l'ijma chez le ulama aussi, et qu'il est possible qu'en vérité un seul des savants s'est trompé, il s'est trompé. Un grand savant s'est trompé. Et par respect à celui-ci, ben, ils ne disent pas l'ijma. Ils disent, en vérité c'est un ijma. Parce que lui il s'est trompé, il est vraiment dire le contraire. C'est pas un ikhtilaf qui est permis. Et bien ils ne disent pas l'ijma, ils vont dire Jumhur par exemple, ou bien la majorité des savants, par respect à la personne, malgré qu'elle s'est trompée, parce que c'est un grand savant connu. Et après, ceux qui vont rejeter aussi quoi, par exemple, hein, que le fait que la collecte est interdite. Certains l'ont rejeté. Car ils voient, donc, le barsinien, par exemple, donc ils voient que l'alcool c'est spirituel. Nous Syriens en Syrie, ils voient que l'alcool c'est spirituel. Du fait qu'en vérité, ils ont imprégné leur religion de la chrétienté. Ils ont intercédé. Et aussi, ils ont justement donc trois lieux en vérité, trois dans un. Aussi, donc elle colle bil imam el ma'soum. C'est clair que c'est Arawafed. Arawafed voit que l'imam est exempt d'erreur. Le Khomeini, c'est un mouchard rendaou. C'est lui qui légifère, il décide. Il change la religion quand il veut. Il voit même qu'il choisit quand est-ce qu'il meurt. Il sait quand est-ce qu'il va mourir s'il veut repousser la date, mais s'il meurt, c'est parce qu'il veut mourir. Et les ma'soum akulahel. Et s'il change sa loi, donc c'est une nouvelle loi. Tout simplement, il change, il fait ce qu'il veut. Ça, c'est chez les chiens, Rawafid. Et autres encore. Donc tout cela, en vérité, c'est quoi? C'est des bidas fakhriya. Elles n'existaient pas à l'origine, voilà, elles ont été inventées. Donc c'est pas juste par rapport à l'acte. C'est aussi par rapport à l'irtiqad et c'est que par rapport à l'alcool. Donc on a vu que c'est par rapport à la conviction, par rapport à la parole et par rapport aux actes. C'est en vérité, c'est-à-dire tous les aspects d'islam. Et el-bida, el-idafiya, donc c'est en vérité celle qui a été mashroua fi wajh. Donc en vérité, elle existe d'un certain aspect, hein, ou d'une certaine facette. Et elle a été bien sûr donc changée par rapport des fois à sa façon de faire, par exemple. Sa façon de faire. Par exemple, salat al-gharabid. Hein. Donc ceux qui disent qu'ils vont faire donc 12 rakas la nuit du vendredi, du premier vendredi du mois de Rajab. Ils appellent Salat al-Gharaib, ils l'appellent. 12 rakas, la nuit du premier vendredi du mois de Rajab. Il y a là aussi un comment, bien spécifique. Elle a une kaifia marsousa. Elle a donc en réalité une façon de faire qui est spéciale. Et bien sûr, donc elle est quoi? C'est une bid'a, kulhel, munkara, abiha. Donc les prières que les gens inventent, que les gens vont inventer, la prière du mois de Sha'ban, la prière hein, du mois de Rajab, l'immolation du mois de Rajab, Rajabia, un hadith qui est, même si elle est en vérité, là encore à la rigueur, on va dire que c'est moins grave pour certains de le faire, du fait que par exemple le hadith est da'if, mais il y a eu des savants qui l'ont rendu sahih. Sha'ban il l'a rendu authentique, alors qu'en réalité il est da'if. C'est un exemple. Donc à la rigueur, s'il y a un sunni qui venait le faire, peut-être qu'on dirait il a pris de Chirabani, c'est permis. Mais quand même, il y a beaucoup plus de savants qui ont, et par rapport au travail qu'il y a eu à Kulhel, donc en vérité, ce hadith, il n'est pas sahih. Ce qu'ils appellent la Rajabiya. Et en vérité, c'est-à-dire le fait d'immoler. Mais quand Nabi Sami a voulu dire ici, malgré le charf, quand le charf qui est Rajabiya, Vous voulez dire en vérité le fait d'égorger, mais n'importe quand, pas spécialement pendant le mois de Ramadan, du Rajab. Donc, le hadith qui dit que pour chaque musulman, chaque croyance, il y a Rajab, le fait d'égorger, sacrifier un mouton pendant le mois de Rajab. Donc, et en vérité, cela aussi fait partie en vérité des choses qui sont fausses. Car malgré le tasheh hein, d'un grand savant, d'un mouhaddi, hein, mais à Kulhal, il y a eu donc, énormément de réponses sur cette parole-là de Cheikh Nassar Rahmatullah Ali, donc le mouhaddi de ce siècle, c'est clair. Lakin Allah Azzawajal veut que n'importe quelle personne se trompe. Ça, c'est une sunnah d'Allah Azzawajal, et Cheikh Ibn Taymiyyah, il ne faut pas être étonné, Cheikh Ibn Taymiyyah a dit que il a vu, il a parlé d'erreur de savant, en disant justement que des fois, on voit des erreurs, donc de façon, c'est-à-dire, c'est des paroles approximatives, que des fois on voit chez des grands savants des erreurs, qui sont, que même des fois, des gens qui n'ont pas spécialement de la science savent que c'est une erreur. On ne va pas parler par rapport à ça, là, parce qu'il s'agit de scènes de transmission par rapport à Shahad Bani. Là, c'est difficile. Mais des fois, des erreurs encore plus faciles, qui seront en réalité repérables même par des gens qui ont beaucoup moins de science. Allah Azzajal le fait exprès, ça c'est une sunna dans la source sur l'homme, afin que les gens savent que ce ne sont que des humains. Afin qu'Allah Azzajal ne sache que, hein, nous fasse montrer que ce ne sont que des humains. Et ça c'est une chikma d'Allah Azzajal sur l'homme. Donc c'est naturel. Il n'y a rien. Il n'y a pas de... Nous on n'est pas des mutaassibin. On n'est pas des gens qui s'accrochent à la personne, même si on l'aime énormément. Non. Erreur, c'est permis. C'est obligatoire. C'est obligatoire qu'il fasse l'erreur. Nabi Sansam, il a dit à Abou Bakr qu'il s'est trompé. Omar s'est trompé sur des sujets. Et il a été rectifié. Et on passe. Alors que dire de ce qui vient après? Alors que dire en réalité, à la Kulhel, de ce qui vient après? Donc, Naam. Et par rapport au Bid'ah, donc le même Nawawi dit par rapport à les deux prières, donc ça, c'est Rajab. Wa Sha'ban, Bid'atan, Qabihatan, Mazmoumatan. Donc la prière de Rajab et de Sha'ban, ce sont deux innovations qui sont dégueulasses, hein, ou bien hein, qui sont en vérité viles, et qui sont réprimandées. Qui sont en vérité donc réprimandées. Et bien sûr, si on parlait à Kulhal aussi, toujours d'être dans Fir, hein, donc le fait de lever la voix après l'Athen, hein, et de dire par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc salat wa sallam, hein, salat wa sallam, à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc le fait, hein, alors ma salat ala Muhammad, mais le fait de dire fort. Chacun le dit en vérité, il y a une fois, c'est comme ça, vous le dites que, pour, que dans vous-même. Il ne faut pas le savoir que vous le dites que pour vous-même, ne vous le dites pas pour tout le monde. Le fait d'élever la voix, hein, après l'adhan, lorsqu'on entend l'adhan et qu'on répète, et qu'on va saluer sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en levant la voix. Saluer sur le prophète, c'est permis. C'est légiféré, c'est quelque chose d'origine. Mais qu'est-ce qui était rajouté? Le mudaf, c'est quoi? C'est quoi qui était rajouté? Allez, s'il te plaît, hein? Le mudaf, c'est quoi? L'idafia, c'est rafassot, le fait de lever la voix. Donc voilà l'idafia, voilà un rajout. C'est permis ce qu'ils ont dit, mais ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire le fait de lever la voix, donc ça, c'est pas permis. C'est pas en vérité permis. Non. Par exemple. Donc c'est, comme on l'a dit, hein, donc c'est édafia dans le sens où c'est méchant à l'origine de dire salatin, Allahumma salli ala Muhammad, mais c'est interdit dans le comment, ici, dans le comment, dans le comment. Ou bien la même chose, le fait de faire la den, par exemple, dans les deux prières de l'Aïd, ou dans les prières de Koussouf. Lorsque je dis Koussouf, c'est la Koussouf et le Koussouf. Hein, le Koussouf et le Koussouf, la prière de... Donc l'éclipse lunaire et l'éclipse solaire. Koussouf et El Koussouf. Il n'y a pas d'Aden. Elle sera tout déjà à Mirabès. Il n'y a pas d'Aden. L'Aden, c'est légiféré pour les prières prescrites. Et après, lorsqu'on dit Assalat al-Jamira, c'est comme ça qu'ils appelaient, c'est comme ça qu'il appelait aussi le prophète Sassem. Lorsqu'il appelait les gens, on voit des fois, on entend que le prophète Sassem est d'ailleurs. Et les gens venaient après leur parler. On voit des fois dans les délires comme ça. Les compagnons sont dans la ville, et donc ils entendent l'Aden, et ils viennent. Mais ce n'est pas la zen, hein, qui est en vérité légiférée, donc le celle que l'on connaît lorsqu'on prie. C'est en vérité le fait de dire Assalat al-Jamia, venez, tous ensemble. Hein, bien venir, ça veut dire le fait de venir tous ensemble. Venez à la prière tous ensemble. Et donc ce n'est pas légiféré de la même façon que l'autre. Donc ça c'est pour donc, le fait en vérité de faire la zen pendant les deux prières de l'Aïd. ainsi que la prière de l'éclipse de la nuit et de l'éclipse donc de solaire, lunaire et solaire. La même chose toujours, donc le fait de faire l'istighfar par exemple après les prières obligatoires. Donc ça c'est une bid'ah idhafiya. L'istighfar il existe, mais les gens le font en même temps. Il faut que ce soit jama'i, comme si c'était un concert, comme si c'était en réalité donc une chorale. Là c'est pas une chorale. La prière c'est quelque chose de personnel. Il n'y a pas de chorale. On prie en groupe, mais chacun en réalité a là donc ses paroles qui lui reviennent à lui, tout simplement. Et on exerce la voix. Donc à ce moment-là, l'istighfar c'est sunna, mais le fait de le faire en groupe et en élevant la voix, ça devient bid'ah. L'adhan, donc, par rapport au jour du vendredi, donc, à l'intérieur de la mosquée à l'origine. À l'origine, donc, le Jumul Jum'a, l'adhan, donc, le jour du vendredi. Normalement, ça doit se faire dehors. Et là, après, la parole, elle est longue par rapport à cela. Donc, on va le laisser. Donc, c'est par rapport, bien sûr, par rapport toujours au lieu où la personne vit, au lieu en vérité où la personne vit. Ou de choisir par exemple un jour, tu dis moi j'ai décidé de jeûner tous les mercredis, et tu le fais tout le temps, ça devient habituel. Tu dis j'ai décidé de jeûner tous les mercredis, alors que ça ne sera pas télégiféré, mais toi tu télégiférais à toi-même cela. Ça va devenir bidâa parce qu'en vérité tu te forces, hein, tu t'habitues à ne faire que cela. À ne prier que les jeunes sur les rogatoires que le mercredi. Donc tu as choisi un jour qui n'est pas en vérité donc légiféré. Tu peux jeûner le mercredi, pardon, de façon générale, mais si tu as décidé de jeûner que tous les mercredis, à ce moment-là, ça devient bidâa. Alors que jeûner, c'est bien, jeûne sur les rogatoires. Mais pas un jour comme ça. La même chose en vérité pour le fait de prier la nuit. Tu vas choisir qu'un seul jour. Hein, qu'un seul jour. Sauf si maintenant tu disais, je travaille moi la nuit. Mon seul jour, ma seule nuit où je ne travaille pas, c'est le samedi soir. Et j'ai envie de prier mes lettres, c'est le seul moment où je suis là, à ce moment-là, tu n'as pas le choix. Parce que c'est, tu es arrivé dans un cas bien précis, donc un cas qui est taillé, qui en vérité, donc tu t'es restreint ce jour-là, tu n'as pas le choix. Tu peux. Parce que toi, tu travailles les autres jours. C'est pas en vérité que tu as le choix et tu choisis à chaque fois toujours le même jour, comme ça. Donc la même chose, hein, le fait de lever la voix en récitant le Coran, donc hein, donc fait janaza dans la prière du mort. Dans la prière du mort, les gens vont venir, ils vont lever la voix, ils vont lire le Coran en enterrant le mort par exemple. Hein, donc en vérité, le fait de lire le Coran c'est permis, mais pas dans ce lieu-là. Pas lorsqu'on va enterrer un mort, et pas en levant la voix. Donc le fait de lever la voix et le fait aussi au moment de choisir ce moment-là, ça se fait pas. À Agassane, vous avez remarqué que les bidas, elles sont énormément propagées sur les choses qui sont habituelles. Les choses qui sont tellement habituelles, où tellement les gens se rencontrent dans ces moments-là, c'est là qu'on retrouve en général plus de bidâa. On va moins retrouver de bidâa dans les sunnahs qui sont rares, parce qu'ils ne les connaissent pas. C'est plus dans les choses qu'on leur fait hein, habituellement, plus souvent. Donc les bidâa aussi, donc il y a aussi donc celles qui sont des fois donc par rapport à ce que le Nabi Sallam a fait, ou bien par rapport à ce que le Nabi Sallam a délaissé. Hein, donc il y a les bidâa qui sont en vérité donc fait à l'IA. C'est par rapport aux actes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien les actes que le Nabi Sallam a délaissé. Donc il a délaissé. Donc il y a Sunna qui est Ferliya, il y a Sunna qui est Tarkir. Donc, là où le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a délaissé quelque chose, donc on appelle ça une Sunna Tarkir. Sunna Tarkir. Par exemple, hein, le fait par exemple de faire l'adhan, quand est-ce? Les deux jours de l'Aïd, par exemple. Sunnat al-Qiyar, le Nabi s'est mis que l'adhan dans les prières. Mais dans la prière de l'Aïd, il ne fait pas l'adhan. Donc ça c'est une sunnat quoi? Tarkiyar, une sunnat de délaissement, il a délaissé. Tark c'est le délaissement, le fait de délaisser. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé le fait de faire la dinde pendant les prières de l'Aïd. Donc c'est une sunna tarkia. Et donc il ne faut pas la faire. Donc il ne faut pas la faire. Aussi, Donc, bien sûr, cette parida de Sunatarkia, elle était prise, bien sûr, donc de preuve. Elle a été prise de preuve. Et la preuve, c'est les trois personnes. Hein, donc les trois adorateurs qui sont partis voir les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles ont questionné les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit qu'ils sont venus face au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un a dit, donc je prierai toutes les nuits et je ne m'arrêterai pas. Je ne dormirai pas. L'autre a dit, je jeûnerai tous les jours et je ne romprai pas le jeûne. L'autre a dit, je ne me marierai jamais. Ça c'est quoi? Là c'est devenu, donc ça c'est ça l'origine de la base de l'existence de la Sunna Tarkiya. Ça c'est parmi les délits. Donc c'est parmi les adillah. Donc le fait qu'ils ont dit ça. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, Men arrive an sunnati falaysa minni. Le fait de délaisser en vérité la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont fait quoi? Ils ont voulu faire quelque chose de bien. En délaissant quoi? Quelque chose. Et ils ont fait un pas, même si c'est le contraire par rapport à l'idée. Mais ça reste quand même, ça reste le principe, le contraire du contraire. Ils sont venus faire un bien d'origine, avec une bonne niya, parce qu'ils veulent se rapprocher d'Allah Azzawajal le plus possible, parce qu'ils ont vu que le prophète s'en se rapproche énormément d'Allah, il faut dire aussi, le fait que nous on est encore plus loin, on a besoin de faire plus d'œuvres pour aller plus loin, pour se rapprocher le plus possible. Et ils ont délaissé quelque chose de permis. Ils ont laissé les awages. Ils ont laissé le fait de manger, ils ont laissé le fait de dormir. Ça, c'est moubah à l'origine. Ils ont délaissé quelque chose qui est permis. Et Nabi Samia dit, parce que déjà, c'est pas comme ça qu'on fait. Ils ont œuvré d'autres façons. Donc, ils ont voulu faire, et ils ont laissé aussi quelque chose qui, en vérité, donc ils délaissent de ça des choses. Ils ont délaissé, en vérité, ici, donc, ces choses-là. Donc, il faut, par rapport à cela, de respecter, hein, par rapport à cette règle-là, les ulémas ont dit qu'il fallait donc respecter non seulement l'acte en lui-même, et tu dois aussi respecter donc le moment, le comment, hein, par exemple le chiffre, s'il y a un chiffre, l'akhili. Il y a plusieurs, il y a l'ouas. Il y a l'ouas de façon générale, donc on va être le comment, la caractéristique de la chose. Combien d'arakas, c'est de l'akha. Quel jour, s'il y a un jour déchiffré, hein, donc comment, c'est-à-dire s'il y a un mikdar. Tout ça doit être respecté. Tout ça en vérité, toutes ces règles, la doivent être en vérité respectées. Et eux, avec le hal, donc, ne l'ont pas respecté. Et aussi, donc, Ibn Rajab dit, rahmatullah alayhi, ma ittafaqa al-salaf al-ataki, fala yajuz fi'lu. Si les plus prédécesseurs, radiallahu ta'ala anhum, ont été, donc, unanimes sur le délaissement d'une chose, il est interdit de faire cette chose-là. Il est donc interdit de faire une chose qui a été délaissée chez les gens. Par exemple. Là on a un exemple. Le contraire du contraire. Et annahum ma tarakuhu illa ala ilmi annahu la yu'malu bih. Car ils n'ont laissé que avec science que cela ne se fait pas. Que cela ne se pratique pas. Ils n'ont pas laissé parce qu'ils en sont un fainéant ou quoi. Là, hachalahum. Ils l'ont laissé parce que ça se délaisse, tout simplement. Donc s'ils l'ont délaissé, ça se délaisse. Ne pense pas que toi tu es quoi, meilleur. Eux l'ont délaissé, toi tu veux faire en vérité mieux que cela. Donc, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé les choses de deux façons. Ou bien, il a cité et mentionné de façon claire et évidente, il l'a dit. Hein? Donc, par exemple, il a dit donc, pour Shuhada Uhud, ceux qui, donc les martyrs d'Uhud, hein? Donc il a dit, lorsqu'il a parlé de sur eux, donc il a dit, il n'y a pas de salam, voilà salam alayhi. Donc, voilà mieux salam alayhi. Il n'a pas en vérité, il ne les a pas lavés, il n'a pas prié sur eux. Il ne les a pas lavés, donc, il ne les a pas lavés, il n'a pas prié sur eux. Je suis adoré. Mais il a dit de ne pas les laver, de ne pas prier sur eux. Donc ça c'est quoi? C'est un tac. C'est une sunna. Donc de ne pas prier sur les shuhada et de ne pas les laver. De les laisser comme cela. Ils vont être ressuscités comme ils sont venus. Et toujours aussi, il a dit aussi dans Salat al-Eid, l'âme n'est plus adhan, ou la iqama, ou la nida. Donc dans la prière de l'Eid, il n'y a pas d'adhan, il n'y a pas de iqama, il n'y a pas de nida. On n'appelle pas les gens. On ne dit pas as-salat al-jami'a. Les gens savent que c'est la prière de l'Eid, ils viennent. ils viennent d'eux-mêmes. Ils viennent en réalité d'eux-mêmes. Donc ni Ezel, ni Iqama, ni Mizan. Donc si Al-Nabi Sami a dit qu'il n'y a pas ça, et que, que nous on le fait, donc ça devient quoi? Ça devient une innovation. Laquelle? Hakriya ou Izafriya? Donc ça devient Izafriya. Ça devient en vérité Izafriya. Ou bien, donc ça c'est pas la première partie. La deuxième partie, Al-Nabi Sami wa sallam, Manakala, Ilayna, Shemin Zalik. Le prophète Mohammed Sam nous a rien dit sur ça. Il nous a pas donc cité une parole par rapport à cela. Il nous a pas en vérité cité une parole par rapport à cela. Non. Donc ici, ça devient en vérité les sources selon hein, ce que l'on a vu. Donc ou bien, le fait par exemple, donc il donne un exemple, par exemple, le fait donc, Tadkou, sallallahu alayhi wa sallam, talafoud, bin niya, inda dukhul as-salat. Le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait, il disait Allahu Akbar. Il n'a pas dit, Allahumma, je vais prier, salat al-dhuhr, hein, le lundi 28 Rajab, de telle année, à Masjid al-Nabawi, dans ma mosquée. Il n'a pas dit ça, Nabi. Il n'a rien dit. Comme le font l'Ahnef. L'Ahnef, ils mettent qu'aux conditions un talafoud bin niya avant de faire la prière. Parce que par rapport à Innam al-Amal bin niyat. Donc après, ils sont venus au fait est-ce que la niya se prononce ou pas. Est-ce que la niya se prononce ou pas. Donc eux, ils vont dire la niya, alors que c'est faux. Nabi ne l'a pas fait. Et on n'a aucune preuve qu'il a fait. Donc il y a un tarq. Il y a un tarq dessus. Il y a des laissements. On a bien vu que Nabi, lorsqu'il parle la prière, il a dit lorsque tu fais tes ablutions, fais tes ablutions, après dis bien, après dis, qu'est-ce qu'il dit après cela? Fais ta qibla. Hein? Mets-toi face à la qibla, et puis après, fais kabbir. Une fois que tu es face à la qibla, fais kabbir directement. Et dis directement Allah Akbar. Donc si tu es face à la qibla, si tu dis Allah Akbar, est-ce qu'il y a des gens qui font aussi ça, avant la prière, ils disent Bismillah Allah Akbar. Bismillah Allah Akbar. D'où vient le Bismillah? Alors qu'il n'est pas mentionné dans le hadith. Fais face à la qibla et suis. Fa. Fa c'est quoi? Fa c'est ce qui prouve que c'est ensuite et c'est le entre ce qu'il y a eu avant et ce qu'il y a juste après le fa, c'est court. C'est pas long. Hein, donc on voit que c'est une suite, mais il n'y a rien entre deux. Il n'y a rien. Hein, entre deux, c'est court. Et donc là, fa kabir. Directement. Et dit Allah Akbar. Donc prononce le Allah Akbar. Donc si des gens disent Bismillah, il faut en vérité les corriger. Il faut les corriger et dire que le Bismillah n'existe pas. Et pourquoi pas ramener la preuve, tout simplement, ça sera peut-être encore plus simple. De dire, voilà, Nabi Samia nous a enseigné de faire face à la qibla et de dire directement Allah Akbar. Et de ne pas dire Bismillah avant la prière. Il n'y a pas de Bismillah. Parce que s'il y avait Bismillah, on est obligé après d'en avoir la preuve. La moindre parole qui est prononcée en croyant et en pensant que cette parole-là fait partie hein, donc de l'adoration, si elle n'est pas à l'origine légiférée, elle devient donc innovation. Elle devient nouvelle. Car elle ne fait pas partie hein, justement de la religion d'Islam. Elle a été rajoutée par des hommes. Et aussi, donc toujours par rapport à ça, donc le fait en réalité donc, de ne pas se rappeler et d'invoquer Allah Azza wa Jal de façon de groupe après Ba'd Salat. On ne va pas faire en sorte qu'on dise tous subhanallah 33 fois, la ilaha illallah une fois, hein, la ilaha illallah, on termine par cela, il a fait les afkar qu'il y a, donc subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, on ne va pas dire à voix haute tous ensemble 33 fois. Il y a un taf dessus. Il n'y a pas une façon de faire, donc on ne le fait pas. Donc en vérité, on ne va pas faire cela. Donc bien sûr, les gens, ils regardent par rapport à l'istihbab. Hein? Ça veut dire qu'ils regardent en vérité que cela, ils aiment bien faire ça. C'est bien, il y a quelque chose de bien. Ils voient du bien dans ça. Ils voient en réalité du bien dans ça. Alhamdulillah, le bien est dans ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait, et dans ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a délaissé. Et pas dans ce qu'on croit que nous, que c'est bien. Dans la religion, dans l'Allah azza wa jal, on revient à qui? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ses actes et dans ses délaissements. Dans ses actes et dans ses délaissements. C'est pour ça qu'on dit, comme on l'a vu auparavant, que le bid'a c'est « Inna tariqatun fid din muqtara'a ». « Inna tariqatun fid din muqtara'a ». Donc ça, c'est une façon de faire dans la religion, donc une voie, un chemin emprunté dans la religion qui a été innové. C'est ça la bida, tout simplement. Le même Chantibi dit cela. Le même Chantibi dit cela. Donc cela, en vérité, ne doit pas être fait de cette façon-là. Parce que là, on parle de surfit d'in. On n'est pas en train de parler de bida dunyawiya. On n'est pas en train de parler de choses nouvelles qui font partie de la vie ici-bas. Ça n'a rien à voir. Bida dunyawiya, c'est fulura. C'est dans la langue arabe. Là, on parle par rapport à ce qui est légiféré. Le ma'na est shari. Donc, on ne va pas mélanger les choses en faisant croire que maintenant, ceux qui parlent de bidar, pourquoi alors ils ont une voiture? Alors pourquoi ils ont une montre? Pourquoi ils ont un portable? C'est des choses administratives, ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec l'adoration d'Allah Azzawajal. C'est des éléments, c'est des moyens que tout le monde utilise. Donc, il ne faut pas mélanger les choses, même si ça s'appelle bidar. Parce qu'il y a bidar dunyawiya et bidar dinia. C'est pas pareil. Bien sûr, donc il y a énormément à faire des exemples encore. Là, on va parler de l'istihsan, toujours par rapport au turuq al-bid'a. C'est les voies qui amènent à la bid'a, l'istihsan. Il y a des gens, des fois, qui font donc l'istihsan. Ils considèrent que cela est bien. On entend notamment le mot hassan. Les lettres ajoutées ici. Donc le alif, le sin et le ta, ce sont des lettres qui sont permises d'être ajoutées dans la langue arabe. C'est parmi les harouf, donc les zaïda, il y en a qui sont permis. Permis pour dire, donc on considère que cela est bien. On va considérer réellement, en vérité, que cette chose est bien. Donc celui qui va faire des tirsan, en vérité, donc il aura donc légiféré. Donc le fait de faire un tarsin ici, donc une répartition de la bid'a, en disant qu'elle est ou bien mustahsana, ou bien qabiha. Donc, ou bien hasana, donc, bida hasana, vous avez déjà entendu sûrement, on en entend parler, el bida el hasana, ou bien el bida el seyya, ou bien qabiha. Donc, celle qui est bonne, celle qui est bien, et celle qui est mauvaise. Donc, celle qui est en vérité, donc, vive par exemple. Ou bien mahmouda, ou bien mazmouma. Donc, elle est louable, ou bien elle est aussi réprimandée. Elle est réprimandée. Donc en vérité, ce tarsin n'a pas de preuve. N'a pas de preuve réelle. Car c'est pas possible que ce tarsin, cette répartition a des preuves, car ce serait c'est aller tout au contraire à quoi? À ce qui vient dans le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le mukhalafa sariha. C'est en vérité donc une contradiction qui est claire et évidente. Qui en va te bénir, elle est claire, elle est évidente. Donc, et on sait que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est partie des bases de la religion, de dire que la religion elle est complète. Elle est parfaite. Donc ce qui n'est pas ajouté des choses, dans l'adoration d'Allah azzawajal, on a se permet de dire qu'elle n'est pas complète. Donc il y a déjà une contradiction entre la parole d'Allah Azzawajal, Al-Yawma akmatu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa radaytu lakum l'islam ad-dina. Donc le jour où j'ai complété pour vous votre religion, et j'ai parachevé pour vous mes bienfaits, et j'ai aussi donc agréé pour vous l'islam comme religion. C'est complet. C'est parfait. Donc c'est complet. C'est parfait. C'est une ni'ma, et c'est quoi? Et c'est un agrément de la part d'Allah Azzawajal. Donc si tu rajoutes ou si tu diminues, tu ne diminues pas parce que tu n'as pas atteint un niveau, non. Tu diminues par conviction. Donc il faut avoir la niya de diminuer. Si la personne en vérité n'est pas capable de faire certains actes, par rapport au sunnah, tu n'arriveras jamais en vérité à faire tout ce que Nabi Sumé a fait. Donc ça c'est pas grave. On ne parle pas par rapport à ça. On parle par rapport au fait de ne pas faire parce que tu dis que ça ne fait pas partie de la religion. Et que tu te sauves de cela. Donc tu te sauves de cela, et là, à ce moment-là, donc tu te permets de dire en vérité, même si ce n'est pas de ta bouche, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'isan el-hal, ta situation, et l'isan el-maqal. Donc ce que tu dis et ce que tu fais. Donc même si tu n'as pas dit, mais l'isan el-hal montre cela. Montre en vérité que, ou bien. Donc en vérité, tu ne considères pas que la religion est complète. Donc ce n'est pas une grâce pour toi. Ce n'est pas non plus un parachèvement pour toi, mais ce n'est pas aussi un agrément. Tu ne vas pas profiter en vérité de l'agrément dans l'art spirituel. Parce que tu t'es sauvé de cela. Tu t'es en réalité sauvé de cela. Et même Ibn Kathir dit, rahmatullah alayhi, par rapport à ce verset, dit, Hadi akbar ni'amillahi ta'ala ala hadi l'umma. Haythu akhmara ta'ala lahum dinahum. Falayhtajuna ila din ghayrihi. C'est la plus grande, le plus grand bienfait ou la plus grande grâce de la part d'Allah Azza wa Jalla envers sa communauté. Du fait qu'il a complété Allah Azza wa Jalla pour leur religion, donc ils n'ont besoin d'aucune religion autre que celle-ci. Et le fait de légiférer en dehors d'Allah Azza wa Jalla, c'est en vérité donc vouloir compléter. Il y a un manque, si tu as décidé de rajouter, si tu as décidé de rajouter 3 jours, si tu as décidé de rajouter 20 jours, si tu as décidé de dire que si je ne prends pas Christ, je ne peux pas faire le Hajj. Si tu as décidé plein de choses comme ça, comment tu veux que, alors que cela n'a jamais existé, min ayna hadha, et tu le rends obligatoire, pas de Hajj, tant que je ne passe pas Christ. Pas de Hajj, si je parle à l'année du Khuruj. Vous voyez qu'ils partent au Hajj sans parler à l'année du Hajj. Wa innama al-a'malu bin-niyyat. On demande comment ils vont se retrouver, certains devant Allah Azza wa Jalla. De jouer comme ça que la religion dans l'Arab Saoudite sans rime. Elle bidasse en général, elles sont venues en fait des ignorants, et des gens qui ont des ambiguïtés dans le cœur, et de cela. Au point où, subhanallah, qu'on voit, c'est justement donc les gens qui ne respectent pas, ils n'ont pas l'origine de base de respecter en vérité les bases de la religion, de savoir que ça reste légiféré comme ça. Il y en a un d'entre eux dans l'avion, en février, on part, ils étaient. Toute une jamaa qui partait, je les ai vus descendre à Jeddah en Arabie. En février, ils étaient là, ils voulaient faire la dinde dans l'avion, devant tout le monde en public. Air Saoudia, Alhamdulillah, Yen Moussallah, devant tout le monde en public, car les gens n'ont pas honte, puisqu'ils sont les éviteurs là, donc ils montrent, ils ont de l'orgueil. Ils veulent faire la dinde une demi-heure avant la dinde, avant l'heure. Comme ça. Là, tu dis, c'est pas l'heure, tu dis, c'est rien, on fait la dinde quand même. Voilà. Subhanallah, le dernier des djihad, il sait que c'est pas vrai. De façon générale. Ou bien on va dire l'avant-dernier des djihad, parce que ce sont eux les derniers du djihad. On va dire les avant-derniers. Ils ne le font pas ça. Une demi-heure avant la dinde, ils veulent faire la dinde. Demande tout le monde comme ça en public. Se montre et la craignée. Aucun adeb. Aucun adeb. Ça, c'est justement pourquoi l'éloignement de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et l'amour de gens qui n'ont pas science, subhanallah. Ils sont accrochés, ils sont sûrs que ces gens-là sont la vérité dans tout. Sans vérifier. Au point où, subhanallah, justement, le fait de dire que ça, c'est une preuve qu'ils cherchent la religion dans autre que la religion. Ils cherchent en réalité la religion dans autre que la religion dans la race de la Jalla. Ça commence pas souvent. C'est pas que pour les koufas, ces paroles-là. C'est pour, justement, les gens de la Bida, en premier, car eux cherchent la religion dans autre que la religion dans la race de la Jalla. Voilà, il a yani, Nabi Rehi, Nabi Him, salawatullah wa salamu alayhi. Ni il cherche la religion par autre envoyé que l'envoyé d'Allah Azza wa Jalla, donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau et le dernier des envoyés d'Allah. Wa bi'athatu ila al-ins wal jinn. Ou bien wa ba'athahu. Plutôt. Donc ici, il a été envoyé, donc pour les djinns et les humains. Pour les djinns et les humains. Fala halal illa ma ahallahu. Il n'y a pas de licite que ce qu'il a rendu licite. Wala haram illa ma harramahu. Il n'y a pas d'illicite que ce qu'il a rendu illicite. Wala din illa ma shara'ahu. Il n'y a pas de religion que sur ce dont il a légiféré. Wada, l'imam Ibn Kathir. Donc si maintenant les gens veulent le contredire, marhaban bikum. À vous, à cause de subir en vérité les conséquences de justement du fait de contredire nos grands savants. Donc, tout ce dont un Nabi a mentionné, a cité, a dit, c'est véridique, donc c'est vérité. Donc c'est vérité et quoi? En vérité, donc véridique. C'est vérité et véridique. Donc il n'y a pas en vérité de mensonge, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de choses qui sont contraires à l'islam. Tout ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de mensonge. C'est vérité, donc pas de mensonge. Et aussi, il n'y a pas de contradiction, ou bien des choses qui sont contraires. Kama qala ta'ala, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Donc, tammat est terminée et complétée. La parole de ton Seigneur, en toute vérité, hein, donc avec véracité, et en toute justice. Parce que tout ce qui est hors de cela n'est pas justice, n'est pas vérité. Tout simplement, tu comprends le contraire par rapport à ce verset, que ce qui n'est pas de la parole d'Allah n'est ni vrai et ni juste. Ni vrai ni juste. Hein, donc la justesse, elle est justement dans ce que Allah a légiféré. Il ne sait pas qu'il arba. Donc, véridique dans ce qu'il a été annoncé, dans les annonces, dans ce qui a été mentionné, cité. Et quoi? Et juste dans ce qui a été ordonné et dans ce qui a été interdit. فَلَمَّا أَكْمَلَ لَهُمْ الدِّينَ تَمَّتْ عَلَيْهِمَ النِّعْمَةَ. À partir du moment que la religion a été donc complétée, qu'est-ce qu'il reste? C'est que bien sûr, donc aussi, la grâce a été parachevée. النِّعْمَةَ. Donc la ni'ma, elle se retrouve dans l'islam, elle ne se retrouve pas dans autre chose. Lorsqu'on dit dans l'islam, on se comprend. Le Coran est la sunna authentique. Hein, pas de façon générale, parce que tout le monde dit l'islam. Le Coran est la sunna authentique à la fin, avec la compréhension d'Abou Bakr al-Siddiq, de Omar, de Osman, de Ali, de Muawiya et les autres. Et tous ceux qui viennent, et là, on le dit jusqu'au jour dernier. Alors pourquoi nous, on se détourne d'eux et on va chercher ailleurs? On va chercher des gens qui n'ont pas science, ou des gens qui parlent bien, ou des gens qui n'utilisent que leur raison. On va maintenant plus être intéressé par un mufakir islami, par exemple, par celui qui vient penser en religion. Il faut que le fait Aïchi, il pense en de quoi? Avant lui, il n'y a pas eu de savants, il y a eu des savants, alhamdoulilah, qui ont écrit. Lui, normalement, il ne doit que suivre ce qu'on lui a montré auparavant. Il doit en vérité suivre ce qu'il a écrit. Alhamdoulilah, la science de façon générale, elle a été donc pratiquement, elle est terminée. Juste dans le sens, alhamdoulilah, on connaît les hadiths où on doit aller les chercher. On connaît le cercle où on doit aller chercher. On connaît énormément de choses où on doit aller chercher. Il y a juste des fois des fêtes qui vont avoir des choses de la vie d'ici-bas, dans certaines opérations, dans certains points, hein, des attraits de la vie d'ici-bas, qui sont tout le temps restés avec, bien sûr, les preuves authentiques, ou avec les règles authentiques des fouqaha. Lorsque eux, ils viennent, ils disent, mais frère, si la personne doit faire telle et telle opération qui ne se réalisait pas il y a quelques siècles, par exemple, là, d'accord, ça sera une fête qui va être jéhida par rapport à la situation. Mais tout en respectant les règles religieuses qui ont existé auparavant. Ils ne sortent pas de l'islam, ces gens-là, ils n'ont pas inventé autre chose. Donc, par rapport à cela, lorsqu'on voit que la religion est complète, c'est que, donc il est obligatoire, hein, donc, bien sûr, il est obligatoire pour le prophète Mohammed, même naturel, hein, obligatoirement et naturel, surtout, que celui qui est envoyé par miséricorde pour les mondes, Rahmatan il Alamin. Si un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, Rahmatan il Alamin. On ne le chante pas, c'est tout. C'est pas on vient, on le chante. Et on croit qu'on aime le prophète, ça c'est parce qu'on le chante. Hein, parce qu'on met des anachis qui font Allahumma sallallahu alayhi wa sallam toute la journée, c'est-à-dire que ça y est, on est proche de lui. Là. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Si réellement vous aimez Allah, alors suivez-moi. On chante et on se cache derrière cette chanson. C'est se cacher en vérité derrière quelque chose, un pseudo intermédiaire. Et après on ne fait rien de sa sunna. On est loin de lui. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit les plus proches de moi, le jour dernier, ce sont ceux qui ont les plus beaux comportements. Donc tu dois maintenant avoir un bon comportement. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit donc ceux qui seront les plus émanés de moi le jour dernier, ce sont les bavardeurs. Donc tu te tiens du bavardage, de parler sans raison. Alors maintenant, fais le fattabi'uni. C'est un exemple, on donne un exemple parmi tant d'autres. On pourrait parler de la prière, on pourrait parler du jeûne, du hajj, du akhri, de énormément de choses. Donc voilà. Voilà ce que ça va être l'ittiba. Le Nabi s'est dit, ils seront les plus loin. Alors la personne, elle va dire Allahumma sallallahu ala Muhammad toute la journée, puis en vérité, à côté aussi, il fait partie des grands bavardeurs. Donc comment il veut en vérité se rapprocher? Donc ça ne s'arrête pas à un petit point, le fait de d'aimer le prophète sans avoir sa messagerie, de le suivre dans sa vie. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu parmi les accords de la communauté. Il a bien sûr montré donc cette prophétie, cette risala, ce message de la façon la plus parfaite. Et il a donc, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a propagé, il a montré cet islam, l'a montré de la façon la plus complète, la plus parfaite, sans qu'il y ait un seul manquement, un seul. Alors vous avez mafrata, hein, minché, mafrata minché, qu'est-ce qu'il y a? On n'a rien omis Mais une chaîne de chaque chose, même la petite chose n'a pas été délaissée dans le livre. Alors il n'y a pas d'ajout à avoir. Et il n'y a pas aussi de choses à enlever. On ne dit pas maintenant cette chose-là, c'est terminé, c'est avant, maintenant à notre époque, on n'en a plus besoin. Là, c'est venu pour tous les mondes. C'est vrai que c'était comme ça, mais il y aurait un prophète après. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc il l'a fait. Il a appris le khel, il l'a fait. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a tout montré. Il a tout dit. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a tout dit. Donc on n'a pas besoin, après, de rajouter. Et Akul Hel sont témoins de cela, les croyants. Sont témoins en vérité que l'islam a été, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a pris Allah comme témoin, il a pris les croyants, ses compagnons comme témoins. Comme quoi que c'est terminé. Donc la hujja pour ceux qui viennent après, qui viennent rajouter. Il n'y a pas de preuve. Allah est témoin, c'était fait Hajj, Hajjat al-Wada, et le Nabi sallam, il a donc pris aussi en tant que témoin les meilleurs des témoins. Ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le meilleur des jours, chez Arafat, et dans le meilleur des endroits. Donc il y a énormément de grands témoins. Alors que veux-tu toi en amenant en vérité c'est comme si tu témoignais que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en vérité n'avait pas justement en vérité obligatoire à l'âge jeune, comme le dit l'imam Malik. Le Malik, il dit donc celui qui vient rajouter quelque chose, donc c'est comme si en vérité il disait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas respecté en vérité sa prophétie. Il aurait en vérité donc trahi Allah subhanahu wa ta'ala. Mouhacha lahu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَنِي أو النبي عفوا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِي قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرُهُمْ مَا شَرٌّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ. Donc il dit, النبي صلى الله عليه وسلم, chaque envoyé avant moi, donc chaque prophète avant moi, ou bien chaque message avant moi, ça a toujours été un droit pour lui, donc un droit obligatoire pour lui, qu'il montre sa communauté tout bien dont il pouvait montrer à sa communauté, il l'a montré. Et tout mal dont il pouvait prévenir sa communauté contre, il l'a montré aussi. C'est-à-dire que tout bien et tout mal a été montré par chaque envoyé à leur époque. Mais sur cela, on a été le besoin de l'époque. Et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a tout montré. Donc si déjà avant lui, ils l'ont fait, alors lui aussi, il l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, ما تركت شيئا مما امركم الله به الا وقد امرتكم به. Donc chaque chose dont Allah Azza wa Jalla m'a ordonné, je vous l'ai ordonné. Et je n'ai rien délaissé. Donc je n'ai rien délaissé de ce dont Allah vous a ordonné. Et je l'ai fait. Le Nabi s'est mis à ordonner toutes choses. Il dit bien ici, شيئا. وهذا يفيد العموم يفيد en vérité. Aïché, chaque chose. Chaque chose, petite ou grande. Elle a été montrée clairement de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque chose dont Allah vous a interdit, je vous l'ai interdit. Ni donc dans ce qu'il y a à faire et ni dans ce qu'il y a à délaisser. Car l'islam c'est el fi'l wa tark. Donc le fi'l qu'on va retrouver, l'amr ou le mandoub et le tark. On peut dire aussi le moubah, et tar c'est al-haram ou al-makruh. C'est où tu fais ou tu délaisses. C'est ça l'islam. Où tu fais ou tu délaisses. Tu fais ce qui est obligatoire, tu fais ce qui est sunna, tu fais ce qui est permis, et tu délaisses ce qui est donc interdit et ce qui est détestable. Et ça bien sûr, al-kulhel, donc, l'ont vu. Et l'ont dit, ceux qui n'étaient pas musulmans. Même ceux qui n'étaient pas musulmans l'ont vu, l'ont dit. Ça les a étonnés. Vous connaissez la parole du juif, qui a dit à Salman, radiallahu ta'ala anhu, laqad allamakum nabiyukum sallallahu alayhi wa sallam kulla shay'in hatta khara'a. N'est-ce pas que le prophète Mohammed nous a montré chaque chose, même le fait d'aller faire ses besoins, donc le fait d'aller faire ses besoins, qala ajal. Naam. Il le dit avec fierté, Salman. Car Ajal, Nahana, Nastakbila, Kribla, Biraheken, Aubol. Il rajoute, il ne s'arrête pas à dire Naam, même les toilettes. Il rajoute, il dit, Oui, et il nous a interdit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de quoi? De faire face à la qibla lorsqu'on fait donc nos grands besoins, nos petits besoins. Et rajoutons cela. Il n'y a pas de rive, il n'y a pas de chichma dans le sens où je ne veux pas cacher ces choses-là. Je ne veux pas en parler parce que comme si c'était pas. Il ne faut pas en parler devant les gens qui sont peut-être, je ne sais quoi, docteurs en ceci, cela, ou bien qui vont venir nous dénigrer. On montre tout. Tout a été, même les toilettes. Parce qu'ils vont essayer de se moquer par rapport à ce genre de choses. Et nous, après ça, on en est fiers. Nous, à la coule les on en est fiers. Et ça ne fait pas nous des gens, hein, ça ne fait pas nous des paysans. Ça ne fait pas nous des arriérés. Là, au contraire, ça fait nous des gens en réalité qui sont fiers de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement. Et aussi, il continue. Et il dit, wa an nastanji bil yamin, et qu'on ne se lave pas les mains, donc on ne se lave pas les parties avec la main droite, ou nastanji bi aqalli min thalathati ahjar, ou qu'on se lave aussi tout pas avec moins de trois pierres, avec moins de trois pierres. Non. Ou nastanji bi radir, ou bi avam. Donc, ou bien on ne se lave pas aussi avec donc, ce qui a été vomi, ou bien ni avec donc, l'excrément, du crottin de vache ou des choses comme ça, du crottin qui aurait durci, ou bien aussi avec de l'os, avec un os, avec un os. Il a tout expliqué. Alors qu'il a expliqué à quelqu'un dont, hein, à l'origine, il n'est pas obligé d'expliquer, car c'est un juif. C'est-à-dire de manière que lorsque c'est quelqu'un qui ne fait pas partie des gens de l'islam, s'il demande quelque chose, tu n'es pas obligé de lui dire tout. Dans le sens, il n'y a pas de fokmout charri pour lui, il n'y a pas aussi de quoi? De amel. Quand tu lui dis, il ne va pas le mettre en application. Parce que ce n'est pas un musulman. Il ne va pas le mettre en application. Ce n'est pas un musulman. Et donc, il n'y a pas de fokmout charri pour lui. Il n'y a pas de demander est-ce que ça c'est halal ou est-ce que ça c'est haram. Pour qu'il mette toujours en application. Donc, dans ces cas-là, les ulama ont dit, il y a juste takhir al-bayan. Takhir al-hujja al-haja. Parce que justement, il n'y a pas ces règles-là. Il est permis de ne pas justement répondre. Et ça, c'est aussi une règle pour ceux dont des fois les gens, les journalistes ou quoi viennent piéger, et puis tu poses la question, toi tu crois que je suis obligé de dire l'islam, tu parles pas. Parce que est-ce qu'il va mettre en pratique? Est-ce qu'il est venu pour ça? Non, tu ne parles pas. Tu te sors. Et plus d'un se tombe dans le piège, ils se sont expulsés, et puis. Et vous connaissez sûrement les histoires, certaines histoires. Donc voilà. Alors qu'en vérité, c'était permis de quoi de ne pas parler, tout simplement. Tu ne parles pas et tu pars. Parce que lui, il ne met pas. C'est pas quelqu'un qui est venu, il a dit je veux prier tout de suite, je veux savoir comment on prie. T'es obligé à ce moment-là, tu vas pas lui dire j'ai pas le temps. Parce que j'ai envie d'aller au snack, j'ai faim. Tu vas tout de suite là pour la prière obligatoirement. Là, les différences. Wahid dit comment je serai, je lui dis pas jeudi. Tout de suite. Ça reste sur, hein, sur tes épaules tant qu'il n'y aura pas cher. Parce qu'il t'a demandé. Là, il n'y a pas de. Là, à ce moment-là, tu dois le. Quoi? C'est une obligation pour toi, tout de suite de lui expliquer comment il faut faire. Donc c'est wajibun ala al-fawr. Pourquoi? Parce qu'il veut rentrer dans la religion d'Allah. Tu ne sais pas ce qui peut arriver d'ici jeudi. Toi, tu ne sais pas. Voudrais-tu qu'il meure, hein, sans que tu saches si réellement il a shahad ou pas? Veux-tu avoir ça sur les épaules? Là. Donc tu dois en vérité le faire à Kulhal tout de suite. Donc voici. Alors que les juifs eux-mêmes ont reconnu que la religion était complète. Car ils ont dit à Omar, innakum takrahuna ayatan fi kitabikum lo alayna marsha al-yahud nuzilat latakhadna dhalika al-yawm 'eeda. Certes, vous lisez un verset dans votre livre, si nous, notre peuple de juifs, avait ce verset-là, on aurait pris le jour, c'est-à-dire le jour où le verset est descendu, on aurait fait un jour de Eid, un jour de fête. Et qala wa ayu ayat. Donc il lui pose la question, et les juifs ont dit, Al-Yom Akmatu lakum dinakum. Wa atmamtu alaykum ni'amati. Subhanallah, celui qui n'est même pas musulman, il a compris l'importance de ce verset-là. Il a compris, celui qui n'est pas de la religion d'Allah Azza wa Jal, l'importance de ce verset. C'est que maintenant vous avez tout. Vous n'allez plus à vous fatiguer, à nous fatiguer ou à vous poser des questions, ou bien. Ça, là, car c'est terminé. L'islam, elle se prévaut des autres religions par trois points. Par donc le fait par rapport déjà elle est complète et elle reste protégée et elle est facile pour nous par rapport à trois points. Le fait qu'il y a eu Isned, hein, le fait qu'il y a eu Al-Isned, donc la chaîne de transmission, on sait si c'est authentique, si c'est pas authentique. Et c'est, le frère Simon en a parlé hier, le fait qu'il n'y a que chez nous qu'on connaît exactement qui a dit comment il a fait. Aussi, donc cette chose-là, elle est facilitée par un deuxième point qui est Ibn Nasab. De façon générale, là où il y a eu la science, les gens connaissent la généalogie. On a beaucoup de Al-Fulan, Al-Abihi, Al-Jaddihi, Al-Akhiri. Beaucoup, il y a beaucoup comme ça, les gens connaissent. Ils savent beaucoup de gens chez les Arabes. Je ne sais pas si c'est chez nous les Maghrébins, beaucoup moins. Le fait qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont rentrés chez nous, hein, d'autres que nous. Donc, de façon générale, en Arabie ou ailleurs, les gens savent d'où ils viennent. Parce qu'à l'époque du prophète, ils arrivent à le savoir facilement. Ils ont beaucoup. Et ça, ça protège. Ça protège la religion. Parce que tu connais un peu la religion de ton père, de ton grand-père, et la fille. Donc ça protège quand même. Il y a une protection. Et aussi, ilm al-lugha, hein, ou bien al-arab. Ilm al-arab. Le fait en vérité que la science dans la langue arabe, hein, donc dans la conjugaison, la grammaire et la phrénie, tout cela, ça aussi c'est resté pareil. Donc ça me permet en vérité que les textes ne changent pas. Comme ils ont été compris à 14 siècles, ils sont compris de la même façon. Ces trois points-là, en vérité, ils protègent. Hein, ils aident à protéger à la religion dans l'art subhanahu wa ta'ala. Et cette religion, après, en plus le fait qu'elle soit complexe, donc ça c'est un khair. Alors il nous a facilité justement les choses. Et comme on voit ici, donc les juifs, eux-mêmes, auraient voulu avoir un verset qui descend sur eux de cette façon-là. De quelqu'un qui vient leur dire qu'en vérité que votre religion est complète. Donc des marins, ils n'ont jamais trouvé, ça veut dire quoi en même temps? Ça veut dire en même temps que chez eux, ils n'ont jamais trouvé ça. Dans leur religion, ils n'ont jamais trouvé ça. Car ils savent qu'en vérité la Torah n'est pas venue pour compléter, pour terminer. Ils le savent. Ils savent que la preuve, ils attendent un autre prophète. Donc ils savent quelque chose qui doit venir compléter. Ils savent que là, elle est venue, moi, Khatan, elle est venue momentanément. Hein, et il faut la respecter jusqu'à ce que, en vérité, l'autre est bien. Mais bien sûr, c'est l'islam, tout simplement. En vérité, le prophète Mohammed Sassan avec la religion dans l'Arabie de l'islam. Donc voyez un peu comment donc, les gens qui sont doués de raison, entre guillemets, qui ont une certaine réflexion, le savent. Alors que les chrétiens, ils le savent. Donc on a vu que la religion est complète. Hein, et que même les gens, les autres le savent. Tandis que celui qui innove, l'innovateur, lui en vérité, s'est permis. Donc il s'est donné un rôle. En réalité, il s'est donné un rôle de législateur. Car il s'est permis de rajouter des choses dans la religion qui ne fait pas partie de la religion. Donc il a décidé en vérité de quoi? D'entrer hein, dans la législation d'Allah Azza wa Jalla. Il s'est permis en vérité de se faire une place dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'en réalité, lui, hein, donc. Alors qu'Allah Azzawajal a déjà lui-même descendu de cette charia et il nous a obligés de la suivre. Donc la personne, elle se retrouve en vérité par rapport à ça seule. Car le croyant, les vrais croyants vont suivre ce qu'Allah Azzawajal a dit. Et lui, il se sépare, on oublie ça, mais il se sépare et il décide en vérité de prendre un chemin qui sera en vérité seul. Et Allah Azzawajal, en plus, il a aussi, il nous a ordonné de suivre cette chaire-là, et de suivre le prophète Mohammed Sassan. Et il a même dit au prophète Mohammed Sassan, car la zone n'a rien omis, il a même dit au prophète Sassan de juger sur ce dont ils sont en divergence. Bimana, hein, tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Il y a d'autres versets encore. On doit revenir à quoi? Au prophète Mohammed Sassan sur ce dont il est en divergence. On le voit faire ça, tu fais ça, taïf, montre-nous maintenant la preuve de cela. Il va, bien sûr, embellir avec des paroles. Mais on n'arrivera jamais au résultat que ce prophète Mohammed s'en fait. On aura des paroles, sans que ce soit le vrai résultat. Nous, on lui dit, avec ce verset, Allah nous demande de revenir, donc, hein, et de prendre le prophète Mohammed s'en comme juge. C'est-à-dire sa sunna. Lui, lorsqu'il était vivant, et sa sunna, lorsqu'il est mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne va pas le faire. Et en vérité, bien sûr, il ne va pas le faire. Non. Et en réalité, celui qui vient innover dans la religion d'Allah Azza wa Jal, hein, c'est comme si en vérité il s'était mis en égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait de légiférer, dans ce principe-là. Il ne s'est pas considéré comme Dieu lui-même, c'est pas ça qu'il veut. Mais simplement en vérité, c'est comme s'il est arrivé à ce point-là. Bilisan toujours, hein, donc Al-Hal. C'est comme s'il est arrivé hein, être équivalent dans l'art de la religion, car il légifère dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Shara'a ma Shara'a, il a légiféré avec le législateur. Non. Et en plus, qu'est-ce qu'il a fait en faisant cela? Il a ouvert une porte de la divergence. Quand il y a quelque chose, c'est obligatoire qu'il y aura des gens qui vont dénigrer cela, ils vont critiquer cela. C'est obligatoire, parce que les gens ont pris comme principe qu'il faut suivre Allah et son envoyé. Donc s'ils voient quelqu'un faire autre chose, comment voulez-vous qu'il se taise? Et s'il se tait, s'il se tait, il est bien pour eux. S'il ne se tait pas, il n'est pas bien. Voilà comment ils vont directement réfléchir. Tu as eu, justement, donc tu as en vérité donné aux gens le pardon pour qu'ils te frappent. Donc c'est ta faute. C'est toi qui as commencé. Celui qui a commencé, c'est celui qui a légiféré. S'il n'aurait pas légiféré, personne n'aurait parlé. Il a légiféré, il a inventé, et il retrouve en vérité des détracteurs, des gens qui vont attaquer. Et après, ces gens-là, ils sont méchants. Ils sont intégristes, ils sont tout ce que l'on veut. Hein? Ils sont durs, ils sont tout ce que l'on veut. Ils vont trouver tout le temps des nominatifs, justement, afin de dire que ces gens-là ne sont pas des gens bien. Ce sont des gens qui divisent les musulmans, ce sont des gens qui font la riba, la khayyé. Mais c'est toi qui as divisé la communauté en inventant dans la religion, dans l'art, sur un talent. Tu vois, commence avec cela. Et aussi, donc toujours, donc bien sûr, là en vérité, donc il a aussi donc fait une entorse à un grand principe. Que c'est que Allah Azza wa Jalla seul qui légifère. Et ça, c'est grave. Alors que c'est quoi? C'est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu t'es permis de entrer dans ce droit exclusif. Donc ça rentre aussi dans quelque chose de très très grave. C'est pour ça que l'imam Shafi'i rahmatullah alayhi dit: Man istahsana faqad shara. Celui qui considère que cela est bien, istahsana, qui considère en vérité que cette chose-là est bonne, et bien de faire, a donc légiféré. Il dit: non, c'est un khel, fais-le, c'est pas grave, c'est bien, faites-le, il n'y a pas de problème. On peut inventer ça. C'est vrai que si on faisait comme ça, on a l'exemple, ceux qui l'ont fait avec les pierres, les cailloux, alors qu'ils ont été réprimandés par des compagnons, Abu Moussa al-Ash'ari, Abdallah ibn Mas'ud, ils n'ont pas été réprimandés par n'importe qui, par des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont dénigré et réprimandé clairement. Ils ont vu tout de suite que c'était pas, que c'était faux, ils ont dit: ou vous êtes meilleurs que ceux-là, que les anciens, ou en vérité, vous êtes à la porte d'un égarement. Et il termine. Abdallah ibn Mas'ud dit: et ces gens-là, on les a vus nous tuer. Ils ont commencé par un petit bida, et après on les a vus avec les khawaris. Regardez la mauvaise fin de ceux qui entrent dans les petits bida. Ils terminent par, en vérité, ils s'égarent. Allah Azza wa Jalla les égare, au point où ils ont même été contre ceux, ils se sont retrouvés dans le rang de ceux qui en voulaient aux compagnons du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. À partir du moment que tu es à l'époque des compagnons du prophète, tu te permets d'inventer les choses de la religion. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que les compagnons du prophète, pour toi, c'est pas grand-chose. Tu ne reviens pas vers eux pour demander si cette chose-là est bonne ou pas. Tu ne l'avais jamais vu faire apparemment dans les mosquées. Parce que personne ne le fait à part vous. Ils auraient dû quand même un petit peu réfléchir sur cela. Mais pourquoi? Parce que dès le départ, ils ont dit quelque chose. C'est cette chose-là, ça va être le non-respect et le non-retour vers les ulama, tout simplement. Donc en vérité, ceux qui ne reviennent pas à l'heure actuelle envers, donc ils ne reviennent pas vers les ulama, ressemblent exactement à eux à l'époque, parce qu'ils ne revenaient pas vers les ulama de leur époque. C'est en vérité, chaque peuple a un héritier. Chaque peuple aura quoi? Des héritiers, tout simplement. Voilà. Chaque peuple aura des héritiers. Et voilà les héritiers, c'est ceux qui, à l'heure actuelle, ne reviennent pas aussi vers les ulama. Donc il dit ça. Et même Ahmed aussi dit: Osu le sunna. عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم والتقى البدع وكل بدعة ضلالة. Donc dans le sunna, vous connaissez l'imam Ahmed, les bases de la sunna chez nous, c'est d'être assidu, de s'accrocher fermement à ce dont était avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de les prendre comme exemple, et de délaisser les innovations, car chaque innovation est égarement. Il a bien insisté ici, kullu. Donc il a bien mentionné, comme l'a mentionné à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque innovation est un égarement. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le disait donc dans ses khutbah, dans les khutbah, là où tout le monde se rassemble. Il le disait tous les vendredis, à l'époque où il n'y a que les compagnons, il n'y a pas de bid'ah. Et pourtant il est tout en train de le mentionner. ça veut bien dire qu'on va arrêter le danger de la bid'a, parce que la bid'a, en réalité, amène à une autre religion, sans le savoir. Ou, même si ce n'est pas de façon générale, si ce n'est pas une autre religion entière, ça sera partiel. Ils vont faire des choses de la religion, ils vont faire, bien sûr, ils vont œuvrer donc des choses de la religion, et ils vont commettre des bid'a. Ils vont commettre des choses qui ne font pas partie de la religion, jusqu'à ce que les gens ne comprennent plus quelle est, en réalité, la véritable religion dans l'art supranatal. Donc voici, voilà. Et deux jours, donc l'imam. Donc là on voit, l'imam Malik aussi, donc dit, Rahmatullah Ali, l'imam Malik, donc Alhamdulillah, ils sont à des paroles de Aïma dont les gens aiment. L'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, l'imam Malik. Et il est bien pour nous, justement, de les mentionner réellement, énormément, ces gens-là, car ils sont connus de chez les gens. Donc on touchera une grande catégorie de personnes. Donc ça va être, c'est une hikma de faire cela. Et d'utiliser leurs paroles justement vis-à-vis de ce genre de choses. Ça va peut-être justement être plus facile. Ça va en fin de compte réveiller peut-être des gens par rapport à cela. Il dit, من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. Donc celui qui innove dans l'islam, hein, donc d'une innovation, d'une chose de nouvelle, et il considère qu'elle est bien, يراها حسنة. Là c'est l'istihsan. Donc ça c'est ça l'istihsan. Il la voit bien. Il a prétendu donc que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi la révélation. Risala. Donc il a trahi en vérité ce qu'il devait faire, Risala, ce qu'il doit propager, le livre d'Allah Azza wa Jalla. Il a trahi. L'Anna Allah yaqul, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, wa akmaltu alaykum ni'amati, wa radaytu lakum l'Islam dina. Fama lam yakul yawma yadin dina, lam yakum yawm dina. Donc ce dont ceux qui n'étaient pas religion à leur époque n'est pas à notre époque religion. C'est-à-dire ceux qui ne faisaient pas partie de la religion à l'époque du prophète, par avant-scène, là maintenant, ça ne fait pas partie de la religion. C'est-à-dire que la religion, elle ne se change pas au fur des époques. Elle ne se change pas, elle reste au fur des époques. L'adoration, elle reste l'adoration. Si quelqu'un venait à dire, je vais rajouter une sixième prière, c'est clair qu'en ce moment, on verra tout le monde bouger. Il n'y aura personne qui va accepter. Même ceux qui sont, hein, ceux qui ont sombré dans la bid'a, ils ne vont pas accepter. Mais pourtant, on les voit donc innover dans d'autres choses, à cause justement de ce circuit. Et bien sûr, celui en vérité donc, qui a donc innové dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, mérite réellement en vérité d'être donc réprimandé. Il mérite donc totalement d'être réprimandé. On doit d'abord le faire revenir vers la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers donc ce que Allah azza wa jal a dit. Et à tout le monde, donc si il accepte, alhamdulillah, s'il n'accepte pas, donc le gouvernement, après le gouvernement musulman peut et se doit de le réprimander en vérité par rapport à cela. Il doit en vérité donc le réprimander par cela du fait que il a décidé en vérité donc de prendre place dans la religion ce dont il n'a aucun droit. Il prend place pour légiférer dans la religion d'Allah Azza wa Jalla ce dont il n'a aucun droit de cela. Non. Et aussi, donc ce Moubtada, pourquoi il a utilisé cela? Car il a utilisé donc la raison. Il a utilisé la raison là où il ne doit pas l'utiliser de cette façon-là. La raison, elle s'utilise, mais pas de cette façon-là. C'est pas l'arc qui va être utilisé ou bien la vie. Dans le sens où tu ne te considères pas que cela est bien ou bien cela est mal, par rapport au tahsin et par rapport au takbir. En vérité, l'arc, il n'est pas moustaqil dans la religion d'Allah Azza wa Jal vis-à-vis de cela. Il n'est pas en vérité libre. Hein? Il n'est pas en vérité libre parce qu'il veut. On ne va pas dire que la personne a le droit de décider, ben non, moi j'ai pas envie de. Je vois bien que ces points-là doivent être changés parce que je trouve que ça serait plus beau si on faisait ceci, si on faisait cela. Un exemple. N'est-ce pas que Jamaat Tabligh mente énormément, et lorsqu'on lui dit c'est du mensonge, je me dis, tu comprends pas. Un Nabi, Sarah Sam n'a jamais dit ça. Ils disent, mais je suis pas en train de mentir sur le prophète, Sarah Sam, je mens pour le prophète. Ils disent. Là, actez-vous, hein. Je mens pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète, Mohammed, s'est pas oublié. Et toi, tu es meilleur, donc tu as besoin de l'aider. T'as besoin de mentir pour l'aider. Ya shabab, Allah yuhibbu al-kabir wa rasul yuhibbu al-shabab. Voilà ce qu'ils disent, pardon. Au shabab, aux jeunes. Allah, il aime les vieux, et rasul, il aime les jeunes. C'est acceptable, ça. Allah Azza wa Jal, il aime al-muhsinin. Allah Azza wa Jal, il aime al-mutatahirin. Et tous ceux que Allah Azza wa Jal aime, le prophète Mohammed Sallam aime. Comment vous faites la différence? Une haine, haine. Là, c'est leur grand savant. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé totalement de se sauver, de détester le ilm. Alors après, ça vient de soi-même. Ya Shabab, Allah, il aime les vieux. Ya Rasul, il aime les jeunes. N'importe quelle personne sensée va tout de suite voir qu'il y a un problème. Pourquoi Rasul n'aime pas les vieux? Et Rasul dit bien, laisse maintenant, Malam Yuakir, Kabirana. Ne fait pas partie de nous, celui qui ne respecte pas les vieux, nos anciens, nos grands, nos personnes âgées. Alors ce que tu fais de ce hadith? On peut même pas leur dire qu'est-ce que tu fais de ce hadith, si ce n'est pas qu'il existe sûrement ce hadith. Ça va, c'est parce qu'ils ont décidé, en vérité, d'avoir la religion, c'est eux qui décident de ce qui se passe dans la religion. Dans tout. C'est devenu comme ça. Au point où, wallahi, ils leur disent à leurs jeunes, lorsqu'ils font, à plusieurs de leurs jeunes, lorsqu'ils font khuruj, de ne pas prier au premier rang. Parce qu'ils savent que si lui-même venait à se tromper, ils ne savent pas comment corriger, comment rectifier. Donc, prier reste derrière. Alors qu'il est demandé de prier au premier rang. Et c'est récent qu'ils ont commencé à envoyer certaines personnes en Syrie pour apprendre. Pour au moins avoir un ou deux ou trois, entre guillemets, érudits, qui connaît le Coran, qui a une belle voix, qui va sortir surtout des Khulafats, parce qu'il va partir chez les Soufis, et il va venir en vérité faire croire qu'eux aussi ils ont des Shababs, donc qui ont du ilm depuis qu'ils ont vu qu'en vérité, alhamdulillah, ceux qui sont partis en Arabie, ou bien au Yémen, ou en Égypte, ou ailleurs, parmi nos frères, qui ont commencé à faire la dawa dans la France, donc ça les a gênés. Donc ils veulent utiliser actuellement les mêmes méthodes. Vous voyez? Alors qu'avant, il faisait pas. Parce qu'il n'y avait pas encore, justement, donc, ces jeunes qui, justement, appellent à avoir les âges et la sunna du prophète Sam, donc ils veulent contrecarrer par rapport à cela. Et par rapport, en réalité, à cela. Et ils utilisent, comme on a dit, l'art, tout simplement. C'est leur raison qu'ils décident. Ils disent des paroles qui, a priori, sont belles. Allah, il aime les vieux, Rasul, il aime les jeunes. Ça arrive. Mais en réalité, ça ne veut rien dire. Mais au contraire, c'est même incompréhensible, subhanallah. Donc Allah, il n'aime pas les jeunes. Donc celui qui réfléchit vite, tout de suite, il va dire, bah, Allah, il n'aime pas les jeunes. La race, il n'aime pas les vieux. Je dois attendre dessus pour que je sois aimé auprès d'Allah. Voilà juste, on a fait des fois des paroles qui sont graves, en vérité. Donc, elles sont en plus non seulement donc, bâties et usées que à partir de la raison, et n'a pas d'origine. Et l'origine, alhamdulillah, c'est le livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc eux, ils vont bien sûr utiliser donc l'aql, pas seulement l'aql chez eux. L'aql, muqaddamun ala l'aql chez eux. Donc la raison, elle passe avant donc le texte, l'aql, ce qui a été donc cité, mentionné, propagé. Et là, donc si un hadith peut être même mentionné dans al-Bukhari al-Muslim, il pourrait donc le refuser, le fait qu'ils ont décidé que l'aql, hein, passe avant. Ma raison, elle est saine. Comme ce qu'ils disent, que la raison, elle ne peut pas se tromper. La raison, elle peut comprendre toutes les choses. Elle passe avant l'aql. Elle passe avant ce Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, ta raison, elle est meilleure qu'en vérité que la raison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on dit, allez d'accord, on va se battre avec toi, donc avec les mêmes armes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'aql. Lui aussi, est dessus. On va dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé quoi? On ne comprend pas. Il a utilisé le naql. Et toi, tu dis que l'art, c'est meilleur. Donc, un abîme, c'est utiliser un mauvais procédé, un mauvais procédé. De dire ça, c'est grave. De dire que le prophète Mohammed a utilisé un mauvais procédé parce que le naql, il est moins bien que l'art. Donc, un abîme, il n'a pas utilisé le naql. Donc, un abîme, il est aussi naql que l'art. Parce qu'il n'a pas utilisé l'art qui était meilleur que le naql. Il n'a pas utilisé, selon vous, le meilleur procédé qui est l'art, la raison, mais il a utilisé un procédé qui est naql pour vous, qui n'est pas bien.